Et bienvenue au pays de la galette saucisse, bienvenue à Rennes sur France Inter. Et voilà la réponse des Bretons à Laetitia Gaillet. Et on s'y connaît. Hein. Chaud, les Bretons. Nous sommes en direct de l'Opéra de Lille. Eh oui. Mais c'est les malades. C'est énorme. Laetitia, je ne vous entends plus, Laetitia. Oui. Alors, on va casser mes lunettes. Oui, est-ce que les vachettes sont lâchées? Ah, ça y est. Non, non, vous n'êtes pas dans le bon pays. C'est pas les vachettes ici. C'est galette saucisse. Galette saucisse et bolet de cidre. Allez, on s'en est bien pris à midi, je peux vous le dire. Là, on est en pleine digestion, mais ça va aller. Merci Laetitia Gaillet. On vous retrouvera lundi avec grand plaisir. À 18h, un autre point sur l'information. Et voici comment nous avons préparé depuis ce matin à Rennes cette émission. Salut, ah là, quelle aventure, on a pris le train ce matin, on était coincés de temps. Il y avait aussi Yann Kefelec, hein. Il n'est jamais arrivé à l'émission de Nike. Alors tu vas me dire, c'est con de faire venir un Breton de Paris pour une émission à Rennes. Silence, ne brusque pas comme ça. Ça va, mais il est 13h là. Oui, ben ça tourne. Mais ils ont l'air complètement crevés. Ouais, ça valait la peine que vous arriviez la veille pour être en forme. Mais hein, on a voulu s'intégrer. Ah, voilà. Et ça n'a pas marché ou quoi? Si, ça a marché. Alors, vous avez compris les Bretons alors? Oui, on n'a surtout pas compris ce qui nous arrivait. D'abord, en fait, on a pris une crêpe. Voilà, moi j'ai demandé qu'il me fasse une complète pour s'intégrer. Voilà, et puis on a bu un petit peu pour s'intégrer. Voilà. Ah, moi je le savais, j'aurais dû venir la veille. Bah quoi, t'aimes les crêpes toi? Aussi. Ouais, bon. Bah, alors qu'est-ce que vous avez bu? Eh ben on était dans la rue de la soif. Oui, mais en fait c'est toute la ville qui a de la soif. Ouais. On a s'intégrer quoi. Ouais. On a bu du cidre, des bières, des shooters, du chouchen. En fait on a fait comme avec la crêpe, on a fait la complète. Voilà. Ah, ouais. Il y avait du chou quoi? Du chouchen. Voilà. Ah ouais, c'est bon ça? Non. C'est dégueulasse, mais ça se boit. Ah, voilà. Ouais. Bon, ben bah, écoutez, en tout cas félicitations pour cette mise en situation depuis la veille, pour cette étude sociologique. Ah, ouais. Vraiment ce don de soi. C'est le boulot. Mais vous n'avez rien compris. Vous avez mangé, vous avez bu, oui. Mais moi ce que je vous demande c'est de rencontrer des Bretons. On a essayé avec des Bretonnes, des étudiantes bretonnes. Voilà. Ouais, évidemment. Et vous avez appris des choses? Non, elles sont bizarres. Enfin, vous leur avez pas parlé ou quoi? Pas beaucoup, parce qu'on a été refroidis. La première, elle m'a giflé. Ouais. La première t'a giflé? Oui. Mais qu'est-ce que tu lui as demandé aussi? Comme pour la crêpe et la boisson. Et on lui a demandé de nous faire la complète. L'émission qui aplatit l'information comme une crêpe. Et voici les trois informations qu'on va retourner d'un coup de poignet jusqu'à 18h. À un mois des régionales, Jean-Yves Le Drian s'apprête à devenir candidat pour garder la Bretagne à gauche. Mais Jean-Yves est aussi ministre de la Défense. Ça commence à sentir le cumul des mandats. Alors si en plus, vous aviez l'adresse de la crémière? Un mois des régionales, l'ENA fête ses 70 ans. Coïncidence ou complot maçonnique? Le classement au mérite qui sanctionne les études est critiqué. Bref, si vous ne voulez pas faire carrière, il vous reste une solution. Oh la vache, 12 sur 20, c'est le plus beau jour de ma vie. À un mois des régionales, l'autre affaire qui secoue la Bretagne, c'est la destitution de sa miss pour avoir enlevé le haut sur une photo. Ça, le jury ne laisse pas passer, et en particulier l'un de ses membres. À poil la chanteuse, nous avons à poil le docteur, à poil le président, directeur général. Bah oui, bien sûr. Oh bah bien sûr. Et pour m'accompagner, j'ai à mes côtés celui qui est arrivé hier soir à Rennes, voilà. Pour tenter de consoler l'ex-Miss Bretagne. C'est Alex Vizorek. Bonjour. Bonjour Charlie Weinbecker. Et vous savez que votre voix est encore plus belle quand le tapis musical n'est pas en dessous. Aujourd'hui, je vous présente l'équipe à 17h20. Elle choisit un mot et le décline en musique de Booba à Rachmaninov. Rachmaninov dont on n'a toujours pas entendu l'avis sur les attentats de Charlie et on le vit très bien. Bonjour Mélanie Bauer. Bonjour, le mot du jour c'est tradition. Ça me semble pas mal. À 17h30, il était avec moi à Rennes hier soir et il a commencé son reportage vers 1h du matin. Je vous en dirai pas plus, c'est Guillaume Meurice. Hey, bonjour, merci beaucoup, merci. Effectivement, je suis allé à votre rencontre, les Bretons, hier soir dans les rues de Rennes. Les Bretons ont une qualité de vie, une qualité d'existence qui repose un petit peu sur l'alcool, c'est vrai, mais ça fait partie de leur joie de vivre. Oui, ils sont très joyeux, les Bretons. À 17h40, elle n'était pas à Rennes hier soir pour ne pas vexer les Bretons sur leur propre terrain, celle qui a le physique d'une danseuse étoile mais la descente d'un rugbyman du Sud-Ouest. Bonjour Juliette Arnaud. Bonjour. Voilà, donc pour rester dans le thème, ben voilà. Je vais vous parler d'un polar et d'un videur de boîte de nuit, des choses que je connais. Très bien, à 17h55, son petit corps fluet se dégage le plus délicieux fiel qu'on peut imaginer. Il viendra vous chanter en fin d'émission, il a survécu à Lille, il va vous parler de vous à Mirenet, ne le laissez pas repartir. Ce sera Frédéric Fromé. Et nous sommes accompagnés d'un référent de la République qui vient présider cette émission. Vous êtes né sous Pétain. Ça s'est joué à deux petites semaines avec le gouvernement provisoire de Félix Gouin, c'est dommage. Vous devenez le sonneur en chef du Bagad Blémor en 61, c'est l'année où Johnny lance le twist en France. Vous donnez un concert événement à l'Olympia en 72, quand le Grand Échiquier fait sa première sur l'ORTF. Vous recevez les insignes de commandeur des arts et des lettres en 2012, quand Psy enrichit le monde culturel, il faut le dire, hein, avec son Gangnam Style. Et donc, je vais vous laisser annoncer à cette salle et à nos auditeurs, vous êtes... Alan Stivell. Charline Van Lecker, Alex Vizorel, si tu écoutes, j'aime tout. Alan Stivell. Star international. Alors là, c'est pas souvent. Hein. Je vous touche là, attendez. Est-ce que vous êtes le Breton le plus connu du monde? Est-ce que je vais dire ça moi-même déjà? Est-ce que c'est le Breton le plus connu du monde? La salle dit oui. Il est vrai que j'ai fait beaucoup dans la com aussi. Il n'y a pas eu que la, la musique. Un beau boulot. Alors, Alan Stivell, voici votre nouvel album. Je le montre à la salle. Il s'appelle Amzer. Alan Stivell, vous êtes encore évidemment en duo. Vous êtes un duo avec votre harpe. Cette harpe que vous confectionnez, vous avez fabriquée. Je fabrique pas moi-même, en fait. J'ai heureusement des personnes. Il y a des différents luthiers comme Tom Marceau qui a construit la dernière harpe, mais je rêve à des harpes. Vous êtes l'ingénieur. Je les dessine et ensuite je trouve quelqu'un. Quoi, harpe électronique sur laquelle vous travaillez depuis l'invention de l'électronique. Hein. Alors, est-ce que Alan Stivell. Merci de rappeler qu'il est très vieux, Alan Stivell. Alors qu'il ne le fait pas. C'est comme tous les bons druides. Qu'il fait des recherches depuis longtemps. Enfin, vous me flattez. Hein. Alain Stivell, est-ce que vous êtes à la recherche de la perfection du son? Et sur ce 24e album, déjà, je pense, 50 ans de carrière, est-ce que vous sentez que vous approchez ou est-ce qu'il y en a encore 24 derrière? Je suis toujours à la recherche d'aller un petit peu plus loin et justement pas à la perfection, mais améliorer tellement de choses. Il y a beaucoup de rêves qui ne sont pas encore réalisés dans mes recherches, puisque, comme vous disiez tout à l'heure, en fait, c'est musique amplifié, musique à la fois électronique, acoustique, donc j'aime tout et son contraire un peu. J'aime à la fois le son le plus pur, le plus cristallin, et à la fois les sons les plus trafiqués, les plus distordus, etc. Donc ces deux aspects-là, en fait, j'essaie de les faire aller ensemble autant que possible. Vous alliez aussi les transitions ancestrales et le futurisme. Il y a des haïkus dans votre album, et il y a un poème d'un jeune adolescent breton qui est devenu adulte depuis, mais... qui a 20 ans, et Quentin Bleuzen, que j'ai trouvé sur Internet, j'ai trouvé ce poème, en tout cas, et ensuite j'ai trouvé le poète, et j'ai voulu le printemps, Neo Hamzer, c'était quelque chose qui pouvait pas mieux être, pas plus printanier qu'écrit par un enfant. Attendez, parce qu'il y a quelqu'un qui a, oui, bonjour monsieur. Il ressemble à l'écrivain, là. Comment il s'appelle cet écrivain? Qu'est-ce qui se passe? Attendez, parce que là, c'était pas prévu, ça. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je me suis pas trompé d'émission? Parce que moi, j'étais attendu. J'étais attendu par Nagui ce matin. Vous êtes Yann Kefele? Le train vient d'arriver en gare. Je retrouve le breton le plus célèbre du monde. C'était à 11h, monsieur Kefele. Yann Kefele, mesdames, messieurs. Alors, on vous raconte l'histoire. Il était dans le train ce matin avec nous, Yann Kefele, qui n'a... Alors, vous avez fait l'émission de Nagui ce matin à 11h, la bande originale par téléphone depuis le wagon-bar. C'est ça, depuis le wagon-bar. Voilà, et on s'est dit, vous êtes arrivé à Rennes à 13h, l'émission est finie, autant venir dans la nôtre, puisque Yann Kefele nous a dit que vous étiez amis. J'espère que vous confirmez, Alain. On était, et on est toujours, et on sera toujours. Et ça n'est pas fini, la vie est longue. Alors... Justement, on va profiter de la présence de Yann Kefele pour mettre des mots sur la musique d'Alan Stivell, votre ami. Vous l'écoutez d'une oreille différente, j'imagine. C'est un très haut, parce que par définition, la musique se passe de langage et de toute description trop précise. Mais il est vrai que je suis un admirateur d'Alan depuis la première heure. Vraiment, c'est un homme qui a porté cette espèce de message musical à la fois traditionnel et toujours moderne et toujours dans la recherche. J'ai bien aimé ce qu'a dit Alan tout à l'heure. Il l'a porté à travers le monde. Et c'est vrai que vous vous baladez en Afrique ou bien en Norvège, vous entendez résonner la voix, les musiques d'Alan Stivell. Certains même, d'ailleurs, lui ont été dérobées par les petits malins du coin. Ils ont essayé, en tout cas. Non, ne citons pas de nom. Alan Stivell. Tu parlais d'Afrique et je suis très heureux quand je vois sur Internet des enfants au plein centre de l'Afrique chanter son archiste, Trimartolo, chanter en breton au milieu d'Afrique. Je ne sais pas si ça les aide physiquement, mais ça les aide moralement, peut-être. Même s'ils ont certainement piraté vos albums, je le rappelle. J'ai aucun droit d'auteur. Et oui, et ça fait sans doute du bien parce que c'est une véritable bulle de bien-être que d'écouter votre album. C'est quelque chose d'apaisant dans le tumulte du monde. Et le tumulte du monde, on va l'aborder tout à l'heure, vous allez voir. Alan Stivell, Amzer, c'est votre dernier album, 24e album avec votre harpe électronique. On va en reparler tout à l'heure avec Mélanie Bauer. En attendant, musique, il y en a plein dans cette émission aussi. Respirez, vous êtes bien dans Si tu écoutes, j'annule tout sur France Inter jusqu'à 18h depuis Rennes. Chaleureusement. Dans vos oreilles, c'était Creedence Clearwater Revival, Proud Mary. J'aime aussi bien parler anglais. Attendez, parce qu'on est, on est proche de Saxon ici. Hein, attention. Alors, Alex Vizorek, autour de cette table. Attention, il y a du monde. De gauche à droite, Mélanie Bauer, Guillaume Meurissian, Kefelec, chroniqueur invité, intervenant, sniper, tout ce que vous voulez. Notre invité, Alan Stivell et Juliette Arnaud, au bout qui nous parlera livre. Et on remercie la SNCF de nous avoir fait garder Kefelec, surtout. Allez, à cette heure-ci, il est temps de s'informer. Ce sont les informations radiophoniques. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et voici les titres. Jean-Yves Le Drian aimerait se présenter à la région Bretagne, mais peut-il cumuler ? Moi, personnellement, je ne comprends pas qu'on puisse vouloir cumuler la Bretagne avec autre chose. Et comment se mettre le public dans la poche ? Oui, on parlera également de politique internationale et d'une étude sur le sommeil des Français, deux sujets qui passionnent Laurent Fabius. Et des brèves, parce que les Bretons adorent ça. Jean-Yves Le Drian va-t-il cumuler la région Bretagne avec la Défense ? Combattre Daesh ou tenter d'assimiler le Pays de Loire, faire le siège d'Alep ou de Nantes ? Eh oui, en tout cas, ce sera intéressant que l'armée française débarque ici, vu ce qu'on a lu dans la presse locale, Alex. Attaque de frelons en Bretagne, 6 personnes hospitalisées. Ah oui, c'est peut-être moins dangereux de gérer Daesh. Hein, c'est si peut-être moins dangereux. On reste à gauche, le scan du Figaro Magazine titre « Sean Penn, nouvelle touche écolo-people de l'exécutif avant la COP21 ». Oui, il a rencontré Michel Sapin après avoir rencontré Ségolène Royal et François Hollande. François Hollande qui aime énormément la carrière de Sean Penn, surtout Into the Wild, l'adaptation du récit Voyage au bout de la solitude. Ils se sont tellement proches du personnage. Passons à droite, oui. Big Malion, attention, journée décisive de confrontation pour 5 mis en examen. 5, vous êtes sûr? Bah oui, je suis sûr, pourquoi? Bah parce que si c'est Big Malion qui organise, il pourrait n'en confronter que 3 et déclarer qu'ils en confrontent 5. Ah oui, c'est vrai. Présidentielle américaine, oui, à présent. Slate, le site internet, nous fait découvrir un autre candidat aux primaires républicaines. Ben Carson, qui a déclaré, je cite, « La Shoah aurait pu être évitée si les Juifs avaient eu des armes. » Et bien sûr, si Anne Frank pouvait manier la Kalachnikov, ça se serait passé autrement. Oui, et je pense qu'il est important de préciser que Ben Carson est noir. Vous dire si ce type n'est pas rancunier vis-à-vis des armes à feu, et ça prouve surtout que des gens de race noire peuvent être aussi bêtes que des gens de race blanche. Ah non, non, écoutez, on arrête avec Nadine, pardon, Alex. Pardon, non, mais c'est surtout qu'elle a de plus en plus de soutien, Nadine, alors... Ah bon? Ah bah oui, écoutez, c'était hier dans les couloirs du Parlement européen, les journalistes la harcèlent, et la paf, quelqu'un l'a le pague, essayez de trouver qui c'est. Qu'est-ce que vous avez à dire aujourd'hui? Vous avez des choses à dire à votre parti? Tiens bon, Nadine. Tiens bon, Nadine. Qui hurle tiens bon, Nadine? C'est Jean-Marie. Non, c'est Bruno Gollnisch. C'est un point pour Yann Kefelec, c'est Bruno Gollnisch. Et nous pouvons en déduire l'adage. Dis-moi qui te soutient, je te dirai qui tu es. Oui, après le point Godwin, c'est le point Gollnisch. Voilà, une page culture. Oui, Caris, le rappeur, aimerait que Marion Maréchal Le Pen vienne danser sur l'une de ses chansons du nouvel album. Ah bien, et comment ça s'appelle cet album? Double feu. Ah, ouais. Ça en dit long sur les choix de Marion Maréchal Le Pen. Voilà. International. Le prix Nobel de la paix attribué au quartet du dialogue national en Tunisie. Voilà, Vladimir Poutine a déclaré « Et zut, c'est pas encore pour cette année !» Et on termine par une étude, Alex. Oui, les Français accusent un déficit de 16 milliards d'heures de sommeil pour bien travailler. Oui, selon une vaste étude sur le sommeil des Français, eh bien, en moyenne, il manque à chaque Français un peu plus de 6 heures de sommeil par semaine pour être en forme au travail. Voilà, Radio France, on tient à faire un communiqué pour dire que c'est pas du tout nous qui faisons baisser la moyenne d'heures dormies. Notamment sur France Musique, certains animateurs dorment même sur antenne. Donc vraiment, cherchez où est le problème. Vous êtes sur France Inter jusqu'à 18h en direct de l'Opéra de Rennes. Un opéra complet pour accueillir notamment Alan Stivell qui est avec nous et qui nous présente son 24e album qui s'appelle Amzer, qui est sorti le 22 septembre, donc c'est tout frais. Mm-hmm. C'est tout frais. Premier sujet avec vous et avec votre ami Yann Kefelec qui viendra vous aider pour approfondir les sujets parce que vous savez qu'on change le monde. Il n'en aura pas besoin, mais je suis là. Premier sujet, le ministre de la Défense, donc Jean-Yves Le Drian, qui est sur tous les fronts, la Syrie, l'Irak, le Mali, la Bretagne. Oui, bientôt la Bretagne, dès qu'il sera candidat au régional, et il partira bientôt en campagne, comme il part en guerre. C'est là que nous débarquerons. Il faut les soumettre, ces Bretons. Ils savent trop souvent aider les Gaulois. La victoire est assurée, grand César. Tu vas la conquérir bien vite, cette petite Bretagne. Cette grande Bretagne. Les Bretons sont des gens courageux. Pour eux comme pour nous, ce sera le jour le plus long. Que les vents nous soient favorables. Ça commence bien. Astérix et Obélix chez les Bretons, parce que dans cette émission, on a beaucoup de références culturelles. Jean-Yves Le Drian, donc le premier homme sur Terre, attention, le premier homme sur Terre qui a réussi à vendre des rafales à l'étranger. L'homme qui est entré en guerre en Syrie, qui est aussi sur le front du Mali, de l'Irak. Il peut aussi être le héros de la gauche en Bretagne et garder la Bretagne dans le giron de la gauche. Est-ce que ça vous impressionne, Alan Stivell? Est-ce que c'est un surhomme, Jean-Yves Le Drian? Est-ce que vous êtes impressionné? Est-ce que c'est une figure héroïque? Jean-Yves Le Drian est un personnage très sympathique que j'aime beaucoup personnellement. Et qui a fait beaucoup, je trouve, pour la Bretagne. Et en même temps, le Parti socialiste, il a beaucoup d'amis qui sont des ennemis de la Bretagne. Je vais peut-être me mettre mettent un peu le pied, dans le plat, mais ce qui est vrai aussi chez les Républicains. Donc du coup, comme c'est vrai aussi dans d'autres partis, c'est pas évident. Et donc c'est pas évident justement de savoir. Donc je pense. Excuse-moi Jean-Yves, mais je ne pense pas pouvoir voter pour toi la première fois. Ça veut dire quoi, peut-être la deuxième fois. Du fait que mon cœur porte à gauche, alors du coup... La vraie gauche, vous voulez dire. Parce que je pense que Le Fur est un Breton sincère également. Aussi sincère, je pense, que Jean-Yves. Mais cette histoire, justement... Alors là, je ne sais pas si les Rennais qui ne sont pas forcément tous des supporters du Stade Rennais. On va faire un sondage. Parce que, justement, il y a quelques temps, j'avais dit un mot par rapport à Nantes. Et puis, j'avais eu pas mal de supporters qui avaient eu un réflexe un petit peu de Pavlov, un peu de réagir pas forcément très bien par rapport à ça. Quoi. Pour moi, par exemple, moi, je pense que Jean-Yves a sauvé la Bretagne jusqu'à un certain point du fait d'avoir maintenu la Bretagne pas complètement évaporée dans une espèce de Grand Ouest, un grand magma. Mais par contre, il va de soi que le reste du Parti Socialiste qui s'est opposé à la réunification et toute la dynamique bretonne a été cassée. Mm-hmm. En fait, par le fait de cette non-réunification de la Bretagne, c'est quelque chose qui me reste en travers de la gorge. Je comprends. Voilà, vous avez le soutien de cette salle. En tout cas, Yann Kefelec, en quelques mots, la Bretagne, ça demande toute l'attention. Est-ce qu'on peut être au ministère de la Défense? Je rebondis sur la réunification de la Bretagne. Je suis totalement d'accord avec Alan Steven, nous sommes tous partisans d'une Bretagne à 5 départements. Dans notre cœur, elle est à 5 départements. Et c'est vrai que Jean-Yves Le Drian était partisan, lui aussi, de retrouver ce grand ouest breton qui existe historiquement, qui n'existe simplement pas sur le plan administratif. Contrairement à Alain, moi, je serais partisan de réhabiliter le cumul des mandats uniquement pour Jean-Yves Le Drian. Eh oui, justement. Il est breton à 100%, il est français à 100%, c'est un génial ministre de la Défense. Et c'est vraiment le breton tout de même dont on a besoin parce que c'est le plus solide au poste et celui qui a le plus de sang-froid, effectivement, dans une classe politique. Si avec ça, vous n'avez pas les subventions. Et il est à gauche. Et alors, il paraît qu'il n'y a aucun obstacle juridique, souligne le président PS de la Commission des lois de l'Assemblée nationale, pour faire ministre de la Défense et prendre la région. Mais qui le dit? Ah, c'est Jean-Jacques Urvoas qui est breton. Donc c'est réglé. Ils s'aiment tous entre eux, en plus, les bretons. Ça, le problème. C'est le lobby breton. Même quand ils sont ennemis. Allez, si on reparlait un petit peu de musique sur France Inter avec Mélanie Bauer. Oui, alors le mot du jour, c'est tradition. Alors je dois vous appeler Allende. Pas oui. du tout Alan. Hein. Oui. C'est important très bien, de le dire. Vous avez un bon sens de la linguistique. Hein. Alan Stivell. Je vais essayer de le dire plusieurs fois bien. C'est donc assez paradoxal de devenir musicien du monde en défendant la tradition d'une région, un peu comme vous, Charline et Alex. Hein, vous défendez l'humour belge. Alan Stivell, lui, c'est la source jaillissante du folklore breton qui permet à ce grand bout de rocher au bout du monde et à sa harpe de devenir universel. Alors on pourrait d'ailleurs faire un parallèle entre Bob Bagadou Dylan et Alan Brogos Stivell, qui tous deux partent d'un répertoire traditionnel avec des instruments acoustiques pour aller vers l'électrique. C'est ainsi que le grand Bob Dylan devient une rockstar et Alan Stivell un représentant majeur de la world music. Moderniser son patrimoine, c'est une difficulté, un exercice plus ou moins heureux, car n'est pas breton qui veut. L'universel celte n'est pas à la portée de tous. En rap, on se souvient de Mano, une courte carrière. En rock... On s'en souvient. On s'en souvient. Hein, si je chante, tu t'en souviens. En rock, plus acharné, les Matmata. Et en punk rock, c'est mes préférés, les Ramoneurs de Menhir. Ici, ouais. Avec la Blanche Hermine. Alors, Yann Kefelec connaît les paroles. Mais oui, évidemment, la Blanche Hermine. En en ce moment, il y a pire. Hein. Il y a le pire du pire avec R1, jeu de mots, hein, R le premier, qui sort un morceau dance pourri de cliché. Hein. Face Nose chez Nolwenn. Alors, on ne sait pas si c'est un hommage à votre amie la chanteuse. Hein. Vous êtes très amie avec Nolwenn Leroy. Ce titre choque non seulement les mélomanes, hein, mais aussi les Bretons, les synthétiseurs pour remplacer les instruments traditionnels. Je préviens... c'est pas moi qui serais contre ça. Hein. Oui, bah alors là, ça, ça va vous hérisser les oreilles. J'ai déjà donné. Perdu dans le brouillard de la forêt de l'Océan, au milieu du mar sous la débile et le divan, des lumières bizarres viennent danser dans ma tête. Attendez le refrain, c'est mieux en mieux. Oui, parce que c'est ça le problème de ce folk breton démocratisé par vous, Alan Stivell. Il se métisse facilement, ses racines sont profondes, hein, ancrées dans la culture celte. On l'a entendu mélanger avec tout, avec du rock progressif, de la New Age, du jazz, de la musique des Balkans, de la Chine. Mais c'est très bien. De toute façon, ce qui est bien, c'est que pour moi, c'est que la Bretagne reste au centre. C'est-à-dire que là, au centre, pas politiquement, mais qu'elle reste au centre dans le sens que le monde est autour de la Bretagne. Et en fait, on est peut-être plus sûr de justement en acceptant des influences de partout, et de tous les temps, de tous les continents. C'est le bourdon, mais dans le bon sens du mot, de la cornemuse reste au centre. C'était le frelon tout à l'heure. Il suffit de voir le festival interceltique qui fédère autour de lui à Lorient chaque été. Ces milliers de celtismes différents qui nous viennent du bout du monde pour faire la fête ensemble, comme si nous étions une seule et même unanimité bretonne. Alors, j'ai envie d'être bretonne quand je vous entends, Yann Kefelec. Dénès, Prigent, Triane, Danarbraz, Malicorne, hein, autant de variations sur le thème traditionnel. Car elle est comme ça, c'est ce que vous disiez, la Bretagne, elle voyage, mais retrouve toujours ses racines. Mieux Sec, qui retourne chez lui et se présente aux élections municipales en 2008. Et son copain Yann Tiersen, qui vient d'acquérir l'Escale, l'unique discothèque d'Ouessant, fermée depuis 15 ans pour y créer un grand pôle culturel. Bref, de ses racines traditionnelles naissent toutes sortes de grands arbres, comme votre dernier disque. Alan Stivell, Hanser, le temps qui passe, 50 ans de carrière, être citoyen du monde me rend plus breton, c'est ce que vous dites, CQFD, on est quelque part entre l'Islande et le Japon, c'est sorti chez Harmonia Mundi. I could tease, squeeze, and hell. I go find you. In the arms of a baby, baby, I get a heavy daily. Is a blue new I go find you. In the arms of a baby, Alan Stivell, son nouvel album sorti chez Harmonia Mundi. Alan Stivell qui est avec nous sur France Inter et aussi en compagnie de Yann Kefelek qui a bien fait de rester grâce à la SNCF. Il a raté ce matin l'émission de Nagui à 11h. Il est resté avec nous amicalement et pour votre ami Alan Stivell. Et autour de cette table, il y a aussi Guillaume Meurice qu'on a lâché dans les rues hier soir. Oui. Puisque nous sommes en direct de Rennes depuis l'Opéra. Je vais même expliquer comment ça s'est passé. On s'est dit on rentre, on a croisé quelqu'un, il a dit oh bah tiens je vais quand même tendre mon micro. À ce moment-là, attroupement, et puis il m'a dit rentre, je vais mener l'enquête. Et puis je ne sais plus ce qui s'est passé. Guillaume Meurice, c'est à vous. Le moment Meurice. Je vais vous dire ça. Bonjour Rennes, bonjour à toutes et à tous. Je suis... Merci à toi surtout. Je suis très content d'être ici, la ville de François Pinault. Et oui, une ville où même les milliardaires ont un nom d'alcool. Mais rassurez-vous, je ne tomberai pas dans le cliché facile, vous traitez tous d'alcooliques, non, je ne ferai pas ça. D'ailleurs, pour tordre le cou à ce cliché, je me suis rendu hier dans la très mal surnommée rue de la Soif. Alors, très mal surnommée parce que s'il y a bien un endroit à Rennes où on est certain de ne pas crever de soif, c'est là. Hein ? C'est comme si Gérard Depardieu habitait rue de l'Anorexie, ça n'a aucun sens. Mais dans cette rue de la Soif, vers le coup des 2h du matin, on rencontre des gens très passionnants. Des philosophes, des scientifiques, des penseurs, bref, des intellectuels. Commençons d'ailleurs avec deux géographes, hein, particulièrement au fait de la place de Rennes dans l'histoire de la Bretagne. Rennes, c'est au port de la Bretagne, et historiquement, ouais, c'est vraiment la capitale de la Bretagne. Alors attends, il y a débat. Les ducs de Bretagne habitent à Vannes. Nantes n'a pas du tout son point... Nantes, on peut la virer, elle sert à rien, c'est dégueulasse. Nantes, Berne, Nantais. Mais, alors par contre, Rennes... Il y a tout, c'est la vie. Merci beaucoup, Rennes. Mais merci beaucoup, Rennes. Et merci à vous, surtout pour ces éclaircissements. Mais oui. Alors, le débat n'est pas clos, mais on en sait un peu plus. On apprend des choses. Et ce n'est que le début. J'ai également rencontré deux jeunes filles historiennes hein, qui avaient, pour le coup, un avis beaucoup plus affûté sur la question. Rennes est-elle la capitale de la Bretagne? Alors, on va en retourner. Galette, saucisse, je t'aime, j'en mangerai des kilos. Voilà qui nous apporte une précision fondamentale hein, sur les us et coutumes locales qui ont perduré, a priori, à travers les siècles. Alors là, évidemment, on avait affaire à deux pointures, hein, deux sommités. Alors, je sais que nous sommes une émission d'humour. J'espère que vous ne m'en voudrez pas d'essayer de... Et d'information. Oui, d'information. J'élève un petit peu le niveau. Hein. J'espère que personne n'a rien contre. Et dans notre mission de service public, on a aussi le fait de faire connaître à la France entière cette belle ville de Rennes que ses habitants adorent. J'adore. Mais pourquoi ? Pour la liberté de pouvoir acheter son cigarette 24 heures sur 24 dans Rennes. Eh ben voilà. Et c'est vrai, hein, Rennes est connue internationalement pour ça. Des gens viennent du monde entier pour acheter des gauloises sans filtre à 3 heures du matin, c'est bien connu. Alors, encore faut-il qu'ils parlent le dialecte local, qui n'est pas le breton. J'ai appris ça, et non, c'est le gallois. Mais alors moi, je le parle pas. Alors, il m'aurait fallu un linguiste. Et vous savez quoi ? Non. Mais ouais, coup de bol, rue de la Soif, à 2h du matin, j'ai rencontré un linguiste. Eh oui, le Alain Ray du Fesnose, le Umberto Eco du Renard et de la Belette. Petit cours de gallo. Adam, oui, c'est ça ? Ah, mais c'est juste une ponctuation, le dame. Tu vois, on dit ben, au lieu de bien. Oui, on dit du sucre, au lieu de dire du sucre. C'est incompréhensible pour quelqu'un qui aime bien la langue française. Et oui, c'est vrai, c'est complètement incompréhensible. Hein. Par exemple, vous êtes à la table devant une crêpe et on vous dit « passe-moi le sucre », ben on est bien emmerdé. Hein, qu'est-ce qu'on fait ? On lui donne un escabeau, une chambre à air de tracteur, tu vois, au hasard. Mais non, en fait, sucre, ça veut dire sucre. Hein, c'est quand même assez balèze, le gallo, quand même. Hein. Alors, j'étais en train de me prendre la tête là-dessus quand je suis tombé sur un jeune homme qui, lui, se prenait lui aussi la tête, mais physiquement, vous voyez, avec ses deux mains comme ça, quasi roulé en boule sur le trottoir. Je me suis dit ça... à tous les coups, c'est un mec en train de réfléchir à la finalité du breton dans le contexte géostratégique de l'Ille-et-Vilaine, de l'invention du beurre de micelle à nos jours. Et vous savez quoi? Vous savez quoi? Non. Bingo! C'était exactement ça. Alors, on a parlé pendant des heures. J'ai notamment appris ce qu'à Rennes, on appelle une embuscade. Vin blanc, bière, calva et crème de cassis. C'est bon, mais ça te met une claque. Ça te met une belle claque. Hein. Pourtant, vous avez l'air hyper bien, là. Ah ouais, mais moi, c'est tout le temps comme ça. Les gens, tout le temps, ils... Ah, t'es bien. Et le lendemain, tu sais, des fois, je vois des gens, ça va et tout. Ce soir, j'ai vu des gens. Ouais, hier soir, t'étais bien et tout. Je dis, ah ouais, je me rappelle pas de vous. Voilà, voilà, voilà. Alors, on sent... Non, mais... bah, merci pour lui, hein, tout simplement. C'est vrai qu'on sent qu'il est un peu ailleurs, mais ça, c'est les chercheurs, hein, les scientifiques, ils sont toujours un petit peu dans leur monde. Et terminons d'ailleurs avec un chimiste, hein, avant-gardiste, qui m'a fait part de l'avancée de ses recherches et de sa dernière invention qui s'appelait... Alors, Jägerbomb. Bah quoi? Jägerbomb. Qu'est-ce que c'est? Jägerbomb, c'est en fait, c'est du Jäger, enfin du Jägermeister. Attends, je sais même pas ce que c'est ça. C'est en fait c'est un alcool. Le Jägermeister, avec de la Red Bull, dans un verre, en fait, tu fais péter le machin et en fait, tu te bois plus sec. Oui, donc ça, c'est léger. C'est léger, en fait. Ouais. Là, vous pouvez prendre le volant sans problème, par exemple. Exactement. Mais non, déconnez pas, Rennes, avec ça. Allez pas foutre en l'air tous ces talents, toutes ces connaissances, tout ce génie sur les routes. Comme le dirait Alan Stivell dans Parole armoricaine, vivez, vivez libre comme l'eau, même si celle que vous consommez est bien souvent passée d'abord par le pied d'une vigne. Guillaume Meurice, à Rennes. Merci, Guillaume. Nous sommes toujours en direct de l'Opéra de Rennes sur France Inter avec notre invité Alan Stivell et il a pris dans ses valises Yann Kefelec. Alan Stivell, vous serez en concert le 7 novembre à La Cigale et comme vous avez pris Yann Kefelec dans vos valises, Yann Kefelec, vous, c'est le dictionnaire amoureux de la Bretagne qui paraît très bientôt chez Plomb Fayard. On va aborder le deuxième sujet. Et avant, oui, je vais peut-être dire, allez-y. Je suis à Saint-Brieuc, c'est pas Rennes, ah bah oui. Saint-Brieuc le 5 et La Baule en Bretagne Sud le 6 et passer à côté de Rennes, bien sûr, mais en décembre, voilà. Je me fais un petit peu ma pub. C'est bien, hein, mais vous faites bien. J'ai entendu qu'il y avait vraiment une vraie fille. Mais parlez d'Yann Kefelec aussi, parce que du coup, c'est mon maître. Il avait qu'à pas rater son train. Non, j'ai pas raté mon train, c'est la SNCF qui m'a raté ce matin et qui m'a présenté ses excuses. N'oubliez pas qu'on doit l'actualité dans le Chouchène jusqu'à 18h. L'ENA a 70 ans, l'École nationale d'administration, fierté française. Et pour son anniversaire, l'école est vertement critiquée, notamment par d'anciens élèves. Pas assez démocratique, pas si efficace, disent-ils, et surtout, le classement au mérite qui est remis en question, ce classement qui vous octroie un numéro et vous lance dans la course aux postes les plus prestigieux. Roque Épine entre en tête dans la ligne droite poursuivie par Querido 2. Roque Épine, le driver, lève la cravache. C'est l'attaque de Querido 2 contre Roque Épine. C'est l'attaque de Querido 2 qui va malheureusement. Querido 2 a battu Roque Épine. Roque Épine n'est pas éparsé, mis au grand galop. Elle est remise à peine. Oh là là là là là là. Roque Épine est battu. Ici, Vincennes, c'était un reportage de Gilbert Lariaga et les commentaires de Zitrone. À vous, Roger Lanzac. Merci Léon, merci Léon. Donc Michel qui n'arrivera pas à la Cour des comptes car Roque Épine a été battu. Quelle vision avez-vous de l'ENA, l'École nationale d'administration qui fête donc ses 70 ans? Il y a des papiers partout dans la presse. Est-ce que ça vous intrigue? Vous trouvez ça trop élitiste? C'est une espèce de maelstrom que vous avez du mal à définir ou pas? Je ne suis pas le bon client ni le bon patient hein, pour parler de ça en fait. Parce que là vraiment, je ne sais pas du tout mon. Nous c'est non plus, pas hein, du tout ma sensibilité. ça, pour moi, ça m'évoque un peu Napoléon, ça m'évoque. L'Empire romain, ça m'évoque plein de choses que j'aime, qui ne m'attirent pas beaucoup. Oui, alors la vieille, c'est pas trop, elle a 70 ans quand même. Yann Kefelec, qu'est-ce que vous avez une vision de l'ENA? Non, moi ça me fait un peu penser à l'Académie française. J'aime bien que ça existe, mais j'ai pas envie d'en être. Je trouve ça un peu gageux, un peu ringard, mais j'aime bien que ça existe. Hein. C'est vrai quand même que ça pousse à l'excellence française. Je pense qu'effectivement, ça recrute un petit peu dans l'élite française et que c'est un peu pénible. Parce qu'il y en a, il y a d'autres qui, au mérite, arriveraient au même résultat s'ils ne sont pas passés par l'ENA. Mais je pourrais très bien passer l'ENA, finalement. Eh bien, si vous critiquez, sachez ce que nous dit la présidente de l'ENA, Nathalie Loiseau. La mauvaise image de l'ENA dans l'opinion publique est le fruit de réflexes populistes ou démagogiques. Eh bien, bravo, je ne vous félicite pas. Voilà. Juliette Arnault. Ouais. Oui. Alors, moi je vais vous. Voilà, je vais. Hein, je vais parce que là, il n'y a pas que l'ENA dans la vie. Non, il y a Todd Robinson, l'auteur. Cassandra, c'est le nom du livre. 432 grammes, c'est le poids du bouquin. C'est pour ceux qui partent en voyage avec. Cher Bretagne, cher Breton, cher Alan, j'ai choisi ce livre spécifiquement pour vous parce que qui dit vous tous, les gens d'ici, dit Celtes, qui dit Celtes dit Irlande, qui dit Irlande dit Boston et bim, on y est, Cassandra se déroule à Boston. Vous voyez le lien logique, bah, vous avez vu, vous avez suivi. Vous êtes aimable. Pour ceux à qui le lien qui nous mène de Rennes à Boston aurait échappé, apprenez de moi que Boston a une communauté irlandaise extrêmement puissante. Par exemple, l'équipe de basket de Boston s'appelle les Celtics de Boston et que l'hymne de l'équipe de l'équipe de baseball, hein, les Red Sox, et bien c'est un hymne qui a été composé en 1969 par Neil Diamond qui s'intitule Sweet Caroline en l'honneur de la fille de Kennedy. Et qui est Kennedy à part le plus fameux descendant d'immigrés irlandais au monde? C'est beau, un hymne de baseball. Vous m'aidez à chanter? Si. Touching you, sweet Caroline. Ba, ba, ba. Alors, revenons au roman Cassandra. Deux choses m'ont conduit à vous présenter ce roman plus qu'un autre, plus que, je ne sais pas, Faire de François Fillon, par exemple, ou la bio de Kenji Girac, la légende de Kenji, ou les mémoires de Danny Briand. Alors, cette première chose, c'est que c'est un premier roman d'un type de 43 ans qui avait pour métier précédent, attention, accrochez-vous bien, videur de boîte de nuit. Bon, déjà, ça, c'est pas commun, hein, parce que, à part l'exception notable de Jack London, qui fut pilleur d'huile, pelleteur de charbon, chasseur de phoques, mais aussi balayeur, menuisier, agriculteur, éleveur de poulets, avant d'offrir au monde l'éternel Martin Eden, donc, la littérature, c'est pas exactement l'activité des enfants issus des classes laborieuses, hein. Les poissons volants existent, c'est pas la majorité de l'espèce, Audiard père. 8 ans durant, donc, Todd Robinson, pendant ses soirées au boulot, occupait son temps à bouquiner, c'est-à-dire son temps libre, hein, entre une mandale dans le nez d'un poivreau et un « non mais ça va pas être possible, fous-moi le camp et tes baskets, c'est une soirée privée, ça manque de filles ce groupe, dégage, je te crève les yeux. » Donc, Todd Robinson, pendant ces moments de livre, il lisait tout, et notamment des polars, où il constate la chose suivante, il n'y a pas de personnage de videur de boîte de nuit. Et ça, c'est dommage, parce que le videur de boîte de nuit, eh ben, à la différence des gens qui font l'ENA, il croise tous les milieux sociaux possibles. Et oui. Et donc, il choisit de remédier à ça en créant un personnage qui est mi-videur de boîte de nuit, mi-détective. Là, dans cette histoire, donc de Cassandra, il est à la recherche de la fille du distingué procureur général de la ville de Boston. C'est une gamine, une adolescente, rebelle, fugueuse, et qui se dévoie dans les milieux interlopes. Pour retrouver sa petite enfant perdue, donc le père procureur, à la veille d'élection, donc qui est peu désireux de se faire une pub douteuse, a l'idée de recourir au service des deux videurs de boîte de nuit, nos deux héros, un duo de videurs, donc Boo et Junior, 215 kilos à eux deux, 10 000 dollars de tatouages, des grands cœurs de gosses élevés dans des orphelinats, des gros points qui vont devoir se servir d'autre chose que de leurs gros points. Deuxième raison, c'est un vrai polar, c'est-à-dire qu'il y a tous les codes, le gars qui mène l'enquête, bon bah il est désenchanté, l'univers est sombre, les cloisons sont pétées entre police et délinquance, les mœurs sont perverties, les jeunes filles sont en détresse, et pour faire passer la pilule, de l'humour bien sûr, je cite, Junior était assis devant le bureau où il notait les coordonnées d'un indique sur un Bristol. On prévoyait de s'acheter un ordinateur un jour. D'un autre côté, on prévoyait aussi de gagner $1 million et de partir vivre à Hawaï fabriquer des strings sur mesure pour Nathalie Portman. Les deux projets avaient autant de chances l'un que l'autre de se réaliser. Voilà, jetez-vous sur Cassandra, c'est chez Gallmeister qui est de toute façon une excellente maison d'édition. Merci Juliette Arnaud. Et retrouvez toutes les références des livres dont on vous parle dans cette émission sur franceinter.fr. Nous sommes toujours en compagnie d'Alan Stivell, et votre dernier album Amser. J'ai déjà bu deux verres de bière bretonne. La bière est à 9 degrés. Yann Kefele qui l'a emmené dans ses valises. Le troisième sujet avec vous, sujet de fond cette fois-ci. Là, on va aller vraiment au fond des choses. Vous n'en avez rien à fiche de l'ENA. Autant là, Miss Bretagne, oui. Miss Bretagne a été destituée. Miss Bretagne, Nadine Morano, même combat. Sauf que Nadine nous a pour l'instant épargné d'une photo de topless. Ouais, mais moi j'ai les photos de Le Drian dénudée. Non. Ah bon? Ah, on va faire circuler. Bon, alors oui, Miss Bretagne, ex-Miss Bretagne, Eugénie Journée a posé sans le haut, mais couverte de ses bras. Sans doute a-t-elle été incitée à le faire. Il y a toujours des pervers partout, quoi. Je te demandais d'enlever le bas également. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Mais qu'est-ce que tu fous ici, ma fille? Qu'est-ce que tu fous? Tu fais une séance de photo de charme et tu veux rien retirer du tout? Je m'excuse, hein, mais je pense pas t'avoir obligé à venir ici, hein. Tu es quand même venu de ton propre gré. Donc tu arrives ici, tu fais ta mijaurée. C'est très bien, mais on en reste là, donc c'est terminé. Ça va très vite, hein. Pas commencer à jouer avec mes couilles, hein. François Damiens dans Die Keneck, car nous avons des références culturelles dans cette émission. Donc, ex-Miss Bretagne, Eugénie Journet a été destituée donc, de son titre. Là, c'est le choc, c'est le froid, l'effroi, le choc laisse place à la consternation en Bretagne. Alan Stivell, c'est... J'espère que ça vous avait pas échappé quand même, cette alors, information. Non, mais en tout cas, de toute façon, qu'il y a une belle... Une belle jeune fille qui représente la Bretagne, qu'elle montre ses seins ou pas, du moment qu'elle... Eh ben moi, je suis d'accord avec vous. Dans le fond, c'est vrai qu'elle défile en maillot aussi. Donc, alors, pour vous dire, la photo, on devine qu'il n'y a pas le haut. Faites-nous un peu la position, pour que le public puisse se faire une idée. Voilà. Elle cache ces trucs, quoi. Je dirais peut-être un petit mot supplémentaire, c'est que la reine de Cornouailles, Quimper, elle, on lui pose des questions culturelles en plus. Et donc alors c'est bien d'être une belle femme, une belle jeune femme, mais à qui en plus qui peut dire quelques mots faire, en plus. Faut tout faire. Il faut se mettre à poil, faut réfléchir. Il faut tout faire. Yann Kefelec, vous avez un avis sur cette question quand même cruciale? J'aime bien ce que vient de dire Alan. C'est non seulement elle a une jolie poitrine, la reine de Cornouailles, mais en plus elle a un cerveau et elle sait s'en servir. Non, ce qui est important, c'est d'avoir été Miss Bretagne. Qu'elle soit destituée maintenant, personne ne s'en souviendra. En revanche, on sait que Miss Bretagne existe et qu'elle est belle. Et qu'en plus, elle est bien foutue. Après, je dirais un mot, c'est que Miss Bretagne est quand même Miss Région Bretagne et pas de toute la Bretagne. On va encore revenir là-dessus. Ah, je vous vois venir. C'est jamais facile. Hein. Je vous vois venir. Elle est de Nantes. Ah, la boulette. Une... Rappelons qu'elle a été imitée par la GDRH d'Air France. Hein, Madame de Fontenay, quand même, défendait ce côté-là. Vous êtes au fait du sujet, parce que vous avez remarqué, Madame de Fontenay, très à cheval sur les règles, et bien elle la défend. Mais parce qu'on voit, elle était tout ça. Alors je pense qu'on a bien approfondi le sujet et donc peut-être c'est le moment, sous les applaudissements, d'accueillir notre barde, Frédéric Fromet. Voilà la quelle ovation en direct sur France Inter de l'Opéra de Rennes, qu'on remercie pour son accueil chaleureux. Merci, et il place son texte sur le lutrin. Il prend sa guitare et il est parti. Bonjour Frédéric Fromet. Bonjour à tous. Alors dans la chanson originale que je vais interpréter, je vous invite à deviner quelle est la région que je décris. J'ai rencontré Gwenaëlle et sa coiffe en dentelle. J'ai rencontré Gwenaëlle et sa coiffe en dentelle. Elle s'en allait chez Erwan avec un Queen Amman. Elle s'en allait chez Erwan avec un Queen Amman. Il y avait aussi Nolwenn bourré aux chouchènes. À vous. Est-ce que c'est pas un peu naze de répéter chaque phrase? Est-ce que c'est pas un peu naze de répéter chaque phrase? C'est une règle typique, m'a confié Soisic. Une règle typique, m'a confié Soisic. Peu importe la technique, on est tous alcooliques. Peu importe la technique, on est tous alcooliques. Sinon comment expliquer qu'on se drogue au beurre salé, qu'on ait des prénoms stupides et qu'on croit aux druides? C'est pas à jeun qu'on s'amuse au son d'une cornemuse, qu'on danse comme des grands-mères le petit doigt en l'air. Comment aimer le bignou si on boit pas comme un trou? Comment se trouver super beau en marinière, équipé d'une épuisette toute remplie d'algues vertes, même que ça sent pas la rose dans les fesses noses? À Concarneau comme à Brest, ça pue la mouette. Concarneau comme à Brest, ça pue la mouette. À Paimpol comme à Plomeur, ça chlingue le chou-fleur. À Paimpol comme ça chlingue. C'est super, on se croirait au festival interéthylique de l'Orient. Y'en a marre des clichés, me dit un gars en ciré, avalant sa 36e galette saucisse en jouant de la harpe celtique. Il parlait une langue vilaine, qu'énavo les bigoudaines. Il trimbalait sans mentir deux ou trois menhirs. Il avait un chapeau rond, une tête de cochon. Je l'ai vu dire à une rennaise, est-ce que tu braises? Il aimait les artichauts, le cidre et les bigorneaux, Alan Stivell et Tabarly, et bien sûr la pluie. Résumé. C'est avec amour qu'on porte tous les jours des bottes. patate, c'est ta mère. Tous les jours des bottes, les merdes aux couillons qui nous vannent, vive la Bretagne. Les merdes aux couillons qui nous vannent, vive la Bretagne. Et c'est un triomphe pour Frédéric Promet sur France Inter, en direct de l'Europe, de l'Opéra de Rennes, qu'on remercie chaleureusement. Merci aussi à Alan Steven, notre invité. Je rappelle son dernier album, Amzer. Vous serez en concert le 7 novembre à la Cigale. Il y a aussi des dates dans toute la Bretagne, unie ou pas, vous serez là. Yann Kefelec, merci d'être resté avec nous. C'est un bonheur. J'espère que vous allez faire la même émission sur la Normandie. Je rappelle, vous publiez aussi L'Homme de ma vie aux éditions Guérin et Le Dictionnaire amoureux de la Bretagne chez Plon Fayard. Yann Kefelec et Alan Stivell, c'était un plaisir de vous accueillir ici, chez vous, à l'Opéra de Rennes. Voici le mot de la fin pour célébrer les 70 ans de l'ENA et son fameux classement au mérite, dont le but est de sortir premier. Mais comment ? C'est l'attaque de Kérido 2 qui va malheureusement. Kérido 2 a battu Roquépine. Oh là là là là là là. À vous, Roger Lanzac.